déçu. Au-delà des questions restées sans réponse, au milieu de la foule mystérieuse et sauvage, à côté des histoires d'amour qui s'annoncent, par-dessus les erreurs et les droits de passage, je veux y croire encore un peu. Forcément écrit à l'avance. Non, non, non, non, non, non. Il y a tant d'avenir à mettre en jeu. Je mettrai tout dans la à chanter sous la pluie quand le ciel est trop noir et se cache en priant pour celle qui avance sans se retourner et sans rien regretter. Je veux y croire encore un peu. Forcément écrit à l'avance. Non, non, non, non, non, non, non. Il y a tant d'avenir à mettre en jeu. Je mettrai tout dans la balance. Il me tarde de revivre enfin. Forcément écrit à l'avance. Non, non, non, non, non, non. Il y a tant d'avenir à mettre en jeu. Je mettrai tout dans la balance. Je veux y croire encore.